Peu de gens forts, que des connards qu'on enferme dans les confins de leur décor. La tentation dans les corps, des têtes vides de pensées, des mains libres pour taffer. Il n'est permis d'avancer que dans des lignes déjà tracées. J'ai choisi le hors-piste pour parfaire mes choix, même si sur ma route se glissent des contrôles pour bafouer mes droits. Allez croire, on serait des hérétiques bons pour le bûcher. J'ai caché dans mes mots des bombes pour les faire trébucher. À l'heure où tout s'achète, mon esprit n'est pas à vendre. J'ai le matos, la mallette, du son, le contrebande. Je reste sur mes gardes au cas où leur patrouille se déploie. J'ai l'air louché la barbe, donc pas la gueule de l'emploi. Ils veulent des positifs, des sourires forcés. Je n'ai que les négatifs de mes reportages photos cachés. À épier leurs chiens de garde et leurs lacrymos. Si le président est honnête, alors je suis un des magots. Ils veulent jamais liser la France. Le blanc c'est tendance, je suis multicolore et j'ai ma bande pour influence. Ils invoquent les chiffres pour sauver la nation. Un homme égale un homme, voilà mon équation. Ils dressent leur cercle de raison quand l'information se vend, se répand dans les cerveaux à la façon d'un calmant. Je suis un cancre en matière de culture dominante, mais j'excelle dans l'art de purifier mon encre. Ils veulent savoir vivre de l'ordre et de la discipline, de la politesse qui se manifeste par test et contrôle du rime. Une foule aseptisée, disons amen au maître, amené aux urnes orientées par les sondages et applaudimètres. Qu'on se le dise, l'indépendance c'est ma devise, j'aiguise ma plume et vise de manière précise. Qu'on se le dise, ils veulent tout ce que je ne suis pas, et dans ce cas précis, je veux tout ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent.